Je connais ces amours-là. Me suis souvent piqué au jeu. Désormais l'on ne m'y prendra à vouloir jouer avec le feu. Si l'amour se présente à moi, en mesurant tous les enjeux, je réfléchirai à deux fois à jouer à ce jeu dangereux. Car l'amour est imprévisible, si souvent incompréhensible, voire certains jours déroutants, si décevants. Et pourtant, quand l'amour est inaccessible, nul n'est tenu à l'impossible. Je fais demi-tour en redoutant qu'il me salue. Et pourtant, si la vie prend soin de moi et se décide à jouer franc jeu, peut-être qu'une autre saura combler ce vide disgracieux. Avec la pudeur de l'émoi, toute l'audace des aveux, car dans mon cœur en désarroi, il y a de la place pour deux. Parfois l'amour devient tangible, alors qu'il était imprévisible, ses contours lents dessinant tout doucement. Et pourtant, alors l'amour nous rend fébrile, tel un colosse au pied d'argile, heureux concours de circonstances, en apparence, si seulement.